Tout ce qui nous conduit à la prière et à une relation intime avec Dieu est bon, peu importe de quoi il s'agit. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Les gens qui possèdent une forte carrure musculaire trouveront facile de poursuivre une carrière en athlétisme. Les gens plus enclins intellectuellement pourront mieux réussir dans le domaine de la recherche. Et les gens doués d'une bonne capacité de raisonnement seront attirés par la pratique légale. Il est naturel de graviter autour d'activités pour lesquelles nous ressentons des affinités. Pourtant, nous pouvons également tirer profit de nos incapacités. Charles Stanley nous annonce dans cette émission que, bien que la plupart d'entre nous recherchent de l'aide seulement quand ils croient être incapables de faire face à une situation par leurs propres moyens, une telle attitude peut nuire grandement à notre vie spirituelle. Voici votre enseignant Charles Stanley à En Contact. Quel aspect de votre vie vous cause le plus de soucis? Dans quel domaine vous sentez-vous le moins à l'aise? Est-ce quelque chose que vous devez faire? Est-ce quelqu'un avec qui vous devez entretenir une relation? Si vous élevez présentement un ado, vous aurez sans doute répondu rapidement à cette question. Or, peut-être éprouvez-vous certaines hésitations par rapport à votre vocation ou à votre travail. Certaines personnes se sentent très mal à l'aise lorsqu'elles ont un rendez-vous important ou qu'elles doivent rencontrer un inconnu. On s'en rend compte, plusieurs événements peuvent provoquer un sentiment d'inaptitude. Parfois, nous pensons que nous n'avons pas la force ou la résistance physique pour faire ce qu'on attend de nous. Pour vous, quelle est cette chose qui abaisse singulièrement votre niveau de confiance? Laissez-moi vous poser une autre question. Comment réagissez-vous à ce sentiment d'impuissance? Que faites-vous lorsque vous faites face à ce sentiment dans une situation donnée? L'inaptitude est-elle toujours mauvaise? La plupart d'entre nous chercheront à éviter ce genre de situation autant que possible, car ils pensent effectivement qu'il n'y a rien de bon à en tirer. Or, l'apôtre Paul ne partagerait probablement pas cet avis. C'est pourquoi nous allons aborder ce sujet dans le message intitulé « La réaction de Dieu devant notre incapacité ». Car en vérité, il nous arrive à tous de nous sentir inaptes un jour ou l'autre. Prenons donc notre Bible et tournons les pages jusqu'à la deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul nous parle du travail que Dieu lui a demandé d'accomplir et de l'impact considérable de l'Évangile sur les gens. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour ce travail auquel Dieu a appelé Paul? Plusieurs hommes de Dieu peuvent s'identifier à cela, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. De qui Paul parle-t-il ici? Comme d'habitude, le ministère de Paul soulevait la controverse. Certains juifs et sympathisants juifs présentaient des documents pour confirmer leur ministère auprès des nouveaux chrétiens. Et ils demandaient à Paul d'en faire autant. « Comment peux-tu prouver l'efficacité de ton ministère, Paul? » À ces attaques, Paul répondait, chapitre 3, verset 1er. « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Or, avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Il déclare passablement ceci aux Corinthiens. Le fait que vous avez été sauvés et que Dieu travaille maintenant dans votre vie ne constitue-t-il pas une preuve suffisante? De quelle autre recommandation aurions-nous besoin pour prouver l'efficacité de l'Évangile? Et il continue ainsi jusqu'au verset 6. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi alors entretenons-nous parfois ces sentiments d'impuissance? Je pense qu'une des principales raisons vient du fait que nous ne nous sentons pas toujours à la hauteur de la situation, à cause de notre mauvaise image de soi. On pourrait aussi l'expliquer par le souvenir d'échecs antérieurs, car quand nous échouons devant une tâche donnée, il est très difficile de nous sentir en confiance la fois d'après, surtout si nous avons subi plusieurs échecs de suite dans ce domaine. Une des raisons invoquées par beaucoup de gens devant leur refus de servir le Seigneur est leur incapacité. Et ce n'est pas la faute du Seigneur qui peut tout par son esprit. Non, les gens ne se sentent pas capables. Ils pensent « Oh non, je ne pourrai jamais y arriver. Je ne suis pas qualifié pour cela. Je ne pourrai jamais faire cela parce que je n'ai pas reçu une formation. Je ne me sens pas apte à accomplir ces choses. » Or, ce sont là parfois seulement des excuses pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Il est donc approprié et utile de se poser la question. Pourquoi est-ce que je me sens comme cela? À cause de critiques entendues par le passé? Quelqu'un nous a peut-être critiqué sur un sujet particulier au cours de notre vie, et souvent cette critique reste gravée dans notre pensée, dans notre cœur. Elle camoufle et déforme l'image que nous avons de nous. Cela peut même aller jusqu'à nous pénétrer si profondément que nous serons affectés dans tout ce que nous faisons. Je suis sûr que plusieurs personnes m'écoutent présentement en pensant à un commentaire émis par un de leurs parents, par une enseignante lorsqu'ils étaient jeunes ou en se rappelant l'évaluation d'une personne à qui ils accordent beaucoup de crédibilité. Ils vous l'ont dit. Vous l'avez entendu, et cela grandit en vous. Ces mots se sont enracinés et ont continué à pousser pendant tout ce temps. Et finalement, ces commentaires négatifs vous ont ralenti dans votre progression. Vous voyez, si nous laissons ces sentiments d'impuissance nous dominer, nous en paierons les conséquences. Nous allons discuter de trois d'entre elles. Ces sentiments d'inaptitude peuvent retarder l'exécution de la volonté de Dieu dans notre vie, car nous aurons toujours peur de passer à l'action. Ou ils pourront aussi nous détourner vers autre chose que nous considérons comme étant meilleur, ou du moins qui nous semblera moins exigeant et moins difficile. Sans aller jusqu'à nous détruire, ces sentiments négatifs pourraient nous placer dans une position malsaine. Nous ne pourrions en effet pas atteindre et profiter des occasions et des bénédictions que Dieu nous a réservées. Nous devons donc être prudents quand nous parlons aux gens, car souvent nous pouvons les blesser, bien plus que nous l'imaginons. Les gens réagissent aux critiques, constructives ou non, d'une multitude de manières. Or, dans l'émission, nous allons nous attarder sur la réaction de l'apôtre Paul. Il était certainement conscient de ses limites et de son incapacité à accomplir la volonté de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 12 de cette même épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul expose sa faiblesse en parlant de son écharde dans la chair. Il mentionne que Dieu a permis à Satan de le frapper. Cela lui a fait prendre conscience de sa faiblesse et cela l'a empêché de s'enorgueillir. Tout ce qui nous pousse vers Dieu est bon. Peu importe si ça fait mal ou non, tout ce qui nous conduit à la prière est positif en n'importe quelle circonstance. Tout ce qui nous mène à une relation plus intime avec Dieu est une bénédiction. Et tout ce qui nous fait tomber dans un état de dépendance absolue envers lui nous rendra libres. Il existe donc une bonne façon de répondre à un sentiment d'incapacité. Il consiste à se tourner vers Dieu et à mettre entre ses mains tout sentiment d'inaptitude, de défaite, de gêne, d'indignité et d'incompétence provenant d'une mauvaise image de soi. Et pour transformer la défaite en victoire, trois émotions sont nécessaires. Elles nous permettront d'acquérir un moral fort et résistant. La première émotion est un sentiment de valeur. La deuxième est un sentiment de confiance grâce auquel je peux dire « Je peux le faire, je le sais ». La troisième est un sentiment d'appartenance, car si je ne sens pas que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi, je souffrirai émotionnellement. Une personne en bonne forme émotive jouira d'un sentiment d'appartenance. Elle se sentira confiante et aura un juste sentiment de sa valeur. Les sentiments d'incapacité peuvent affecter tous les aspects de notre être, et souvent, si nous ne réagissons pas d'une manière appropriée, nous en souffrirons, peut-être même pour le reste de notre vie. Nous pourrions rater les meilleures bénédictions que Dieu nous réserve et de merveilleuses occasions de service préparées spécialement pour chacun de nous. Nous devrions à présent nous demander ce qui nous rend adéquats dans chaque circonstance de notre vie. Allons-nous réussir en dépendant de nos propres habiletés, de nos propres valeurs? Bien sûr que non. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui habite à l'intérieur de chacun de ses enfants qui nous rendra capables de relever n'importe quel défi proposé par Dieu, peu importe sa nature. On parle beaucoup du Saint-Esprit ces temps-ci. Plusieurs personnes pensent le connaître avant de réaliser qu'il n'en est rien. Et souvent, les gens exagéreront un aspect de son être, alors que d'autres essaieront de le catégoriser en fonction des dons qu'il nous donne. Aussi, réfléchissons un instant à la nature exacte du Saint-Esprit. La Bible nous dit d'abord qu'il est une personne de la Trinité. Dans le premier chapitre de la Genèse, par exemple, Dieu dit au verset 26 « Faisons l'homme à notre image ». Qui parle? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et un peu plus loin, dans Genèse, chapitre 11, verset 7, Dieu se révèle encore comme étant une Trinité, dans l'épisode où les hommes tentent de construire la tour de Babel. Lisons le verset 7. « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Dès la Genèse, Dieu se révèle comme étant plusieurs personnes. Dans le Nouveau Testament, la description devient plus précise. Ainsi, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Si on vous demande « Qui est le Saint-Esprit ?», vous pouvez donc d'abord répondre qu'il est une des personnes de la Trinité. En plus d'être une personne de la Trinité, la Bible affirme que le Saint-Esprit est une promesse du Père. Et dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 49, il est écrit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Pourquoi Jésus-Christ a-t-il ordonné à ses disciples d'attendre dans la ville de Jérusalem? Parce qu'il savait qu'il serait incapable d'accomplir la volonté du Père avant d'avoir reçu une puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est d'abord une personne de la Trinité et une promesse du Père. Et s'il est une promesse du Père, nous savons qu'il est le don de Dieu pour chaque croyant. Dans le deuxième chapitre du livre des Actes, l'apôtre Pierre prêche ce formidable sermon sur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est donc premièrement une personne de la Trinité, deuxièmement, une promesse du Père, et troisièmement, le don de Dieu pour chaque croyant. Nous savons exactement par conséquent qui il est. À présent, demandons-nous pourquoi le Saint-Esprit est venu sur la terre. Pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé ici? Parce qu'il savait qu'il nous avait créés incapables de nous suffire à nous-mêmes. Dieu ne nous a pas créés pour être autonomes, il nous a créés pour devenir adéquats en lui. Il nous a donc envoyé son Saint-Esprit parce qu'il savait que nous serions incapables d'accomplir l'œuvre à laquelle il nous appelait sans lui. Par exemple, quel parent se sent apte à élever des enfants sanctifiés? Je n'en connais aucun. Nous essayons de faire de notre mieux, mais nous ne nous sentons pas à la hauteur. Combien d'entre nous se sentent capables de servir le Seigneur? Quand je vois quelqu'un débordé de confiance en lui-même, je pense, « Oh Seigneur, délivre-le, car je sais comment cela va finir. L'orgueil précède la chute. » Voyez-vous, Dieu déteste l'orgueil par-dessus tout. Or, si une personne avoue, en toute honnêteté et sincérité, qu'elle ne se sent vraiment pas capable d'accomplir ce travail, elle laisse une place à la grâce de Dieu dans sa vie. Et si elle ajoute, « Je veux bien essayer. » Je ne sais pas très bien comment je m'en sortirai, mais je ferai de mon mieux par la grâce de Dieu. Je sais que cette personne est animée d'un bon esprit, mais si quelqu'un affirmait « Je vais me débrouiller, laissez-moi faire », il courrait vers l'échec car il devrait éventuellement prendre conscience de son insuffisance. Le Seigneur ne nous a pas créés pour nous suffire à nous-mêmes. Il nous a créés pour être capables en lui. Il est donc préférable, et de loin, de se sentir incapable devant les défis que pose la vie. Car alors, nous nous plaçons dans une position où nous pouvons recevoir la magnifique puissance du Saint-Esprit, l'expérimenter et en profiter. Et en quoi consiste cette puissance? Il s'agit d'une énergie divine. Elle émane directement de Dieu pour nous aider, nous fortifier et nous rendre aptes et capables de faire tout ce que Dieu demande. Car quand Dieu nous demande d'accomplir sa volonté, quand il nous conduit sur le chemin de son plan divin, il assume la responsabilité de nous donner les moyens de lui obéir, à condition, bien entendu, que nous réagissions adéquatement à son appel. Et comment pouvons-nous bien réagir à cet appel? En nous appuyant sur notre Dieu, en comptant sur lui, en lui faisant confiance et en dépendant de lui pour qu'il nous rende capables de le faire. Or, si nous cherchons à avancer par nos propres forces, nous serons laissés à nous-mêmes. Et je ne recommande à personne d'essayer de servir Dieu par ses propres forces. Que vous soyez une enseignante à l'école du dimanche, un animateur de cellule de prière, un musicien ou un pasteur, peu importe, n'essayez pas d'accomplir son œuvre par vos propres forces. Dieu vous offre sa divine énergie, ses capacités divines, sa force et son onction seulement quand vous êtes disposé à vous appuyer sur lui. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé son Saint-Esprit? Parce qu'il connaissait notre incapacité à accomplir son appel. C'est pourquoi la Bible affirme dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous pouvons lire « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » La Bible nous promet que nous avons été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit habite maintenant en nous, comme Jésus l'avait dit à ses disciples. Il est avec nous, comme il était avec eux, jusqu'à la fin des temps. Or, ce qui nous différencie de l'homme perdu n'est pas notre comportement, car hélas, nous ne nous conduisons pas toujours comme nous le devrions. Notre conduite ne représente pas toujours en effet Dieu sur la terre. Or, ce qui nous distingue de l'homme impie est le fait que nous sommes habités par le Saint-Esprit et scellés par lui. Ce sceau est le sceau de la possession absolue. Nous appartenons au Dieu Très-Haut, et rappelons-nous que Jésus a dit qu'il ne perdrait aucun de ceux que le Père lui avait confiés, pas un seul. Il est intéressant de noter ce qui est arrivé à Paul au 9e chapitre du livre des Actes, versets 3 et 4. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Nous avons affaire ici à un homme sûr de lui, convaincu d'avoir raison, un persécuteur violent de l'Église naissante, un pharisien sans doute doué d'une éloquence rare, un meneur d'hommes très fort. Et tout à coup, sur le chemin de Damas, il est frappé par Dieu. Il ne peut plus voir, mais il entend le Seigneur Jésus-Christ lui parler. Ce dernier l'envoie chez Ananias, et il dit à Ananias d'imposer les mains sur Paul pour lui redonner la vue. La Bible mentionne que Paul fut alors rempli du Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu l'a-t-il rempli du Saint-Esprit? Parce que sans lui, ce meneur très doué, talentueux, habile et éduqué dans la culture hébraïque était absolument et totalement incapable d'accomplir l'appel de Dieu. Dieu nous a créés inadéquates pour notre propre bien, car si nous étions autonomes, nous deviendrions rapidement orgueilleux et égoïstes. Paul savait que Dieu avait ordonné les chardes dans sa chair pour son bien. Dieu lui avait révélé des merveilles qu'il n'est même pas permis à un homme d'exprimer, mais il savait que Paul pouvait alors être tenté par l'orgueil et compromettre ainsi son plan pour sa vie. Et pour le prévenir d'un tel malheur, Dieu a permis à un ange de Satan de le frapper, comme nous le rapporte 2 Corinthiens chapitre 12. Nous devrions méditer sur cette expérience de l'apôtre Paul lorsque nous sommes affligés d'une faiblesse ou d'un handicap dont nous aimerions être débarrassés. Nous ferions n'importe quoi pour être délivrés de cette tare. Et pourtant, Dieu l'a placé en nous pour notre bien et notre protection. Nous pouvons alors être utilisés par Dieu au mieux de nos capacités, car Dieu sait ce que nous ferions si nous n'avions pas cette faiblesse dans notre vie. Pensons maintenant au don que Dieu nous accorde par son Saint-Esprit. Pourquoi fait-il cela? Parce que si nous étions autonomes, il n'aurait pas besoin de nous donner quoi que ce soit. Or, Dieu accorde ses dons comme il le veut et à qui il le veut. Et en vertu de quoi Dieu nous accorde-t-il ses dons de l'Esprit? En vertu de l'appel qu'il nous lance, en vertu de l'œuvre que nous avons à accomplir, celle que nous n'aurions aucune chance de réussir sans lui. Or, Dieu assume cette responsabilité de permettre à chacun de ses enfants de réussir dans ce qu'il l'appelle à faire, en lui accordant les dons de son Saint-Esprit. Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir échouer dans ce que nous faisons, et s'il le permet, c'est parce que nous avons quelque chose de nouveau à apprendre de cet échec. Toutefois, Dieu n'y prend aucun plaisir. C'est pourquoi il nous accorde les dons de l'Esprit pour nous permettre de réussir dans les tâches qu'il nous confie et qu'il nous appelle à accomplir. Quand l'apôtre Paul décrit les dons spirituels accordés par le Saint-Esprit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, il prend bien soin de mentionner au verset 11 que l'Esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut. Nous ne sommes pas libres de choisir les dons que nous aimerions avoir. Voyons maintenant pourquoi. Il m'arrive de discuter avec les gens sur les dons spirituels, et j'aime alors leur demander quels dons ils préféreraient avoir. Et je peux vous énumérer quelques dons qui ne m'ont jamais été mentionnés. Ils ne semblent intéresser personne. Quels pourraient être ces dons, d'après vous? Nous avons entre autres le don de générosité. Je n'ai jamais entendu personne dire qu'il aimait donner généreusement. C'est comme si les gens attendaient d'être riches avant de donner. Pourtant, Jésus aime le pauvre qui donne, même s'il donne moins. Un autre don qui ne remporterait pas de concours de popularité est le don de miséricorde ou de compassion. Non, les gens préfèrent d'autres dons, comme la prophétie, l'enseignement, ce genre de dons. Or, personne ne semble vouloir d'un don de miséricorde ou d'un don de service. Je me demande bien pourquoi. Dieu distribue les dons à chacun de ses enfants comme il le veut, en tenant compte de leur personnalité, de leur volonté et de leur plan pour leur vie. Et Dieu nous disposera des meilleurs outils pour réaliser cet objectif. Cependant, s'il nous laissait choisir les dons que nous voulons, nous aurions peut-être des problèmes à accomplir son objectif pour notre vie. Supposons, par exemple, que nous participions à une soirée entre amis. Nous sommes 8 personnes rassemblées autour d'une table. Soudain, je renverse mon verre d'eau par mégarde. Il y a de l'eau répandue sur la table et sur mes vêtements. Le verre tombe par terre et se brise. Une personne qui a le don de générosité me dirait « Ne t'en fais pas, nous achèterons un autre verre. » Un autre qui a le don de service se lèverait pour aller chercher une éponge. Celle qui possède le don d'organisation ajouterait « Toi, va chercher l'éponge, toi, ramasse les éclats, et moi, je ferai ceci. » La personne qui possède le don d'enseignement me ferait remarquer ceci. La prochaine fois, place le verre de ce côté. La personne qui a un don de compassion soulignerait « Je suis tellement désolé pour toi. Tu dois vraiment te sentir embarrassé, mais ce n'est pas grave. » Celle avec un don de prophétie dirait « Je t'avais pourtant prévenu. » Et celle avec le don d'exhortation conclurait sur un ton d'encouragement « Tu sais, nous faisons tous des erreurs dans la vie. » L'Église est constituée de gens qui possèdent des dons différents, et c'est tant mieux. Pouvez-vous imaginer une Église où il n'y aurait que des prophètes? Dieu nous a accordé des dons qui dépendent de notre personnalité. Aussi, si nous laissons le Saint-Esprit nous diriger, si nous dépendons de lui, il nous aidera à les utiliser pour accomplir son plan divin. Dieu vous donnera la force d'accomplir sa volonté pour votre vie. Or, Charles Stanley nous a bien spécifié que, si nous tentons d'y arriver par nos propres forces, nous échouerons. Faisons donc confiance au Saint-Esprit afin qu'il dirige nos pas. Dieu est avec nous et il nous rendra capables de répondre à son appel et d'accomplir son plan pour notre vie. Nous pouvons renouveler nos forces en lisant les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 13. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien ». Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.